En Corée, le complexe sidérurgique de Hwange a commencé la production des rails lourds à l'aide de planeuses du niveau des rails lourds. Il a terminé en 15 jours le montage de la machine fabriquée par le complexe mécanique de Leongsong. Les processus de production des rails lourds sont basés à 100% sur nos propres plans et matériaux, forces et techniques. La production des rails lourds étant commencée pour de bon, a jeté une nouvelle solide base de la modernisation accélérée des chemins de fer, contribuant à l'édification d'un État puissant et prospère.